amateur, mais je pense que c'est moyen. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, c'est con, on va s'en occuper. Oh, Malouda. Salut les filles. Donc j'ai bien aimé parce que tu nous as parlé de Tim Vizet, vous avez vu qu'il avait des problèmes, t'as même pas parlé de sa coiffure. Il y a un peu la tête, tu sais, la tête du général allemand dans L'As des As avec Belmondo, quoi. C'est le truc que plus personne n'a. C'est vraiment ignoble. C'est le mec, il hésite entre chauve et chevelu, puis finalement il choisit pas. Donc c'est quand même assez affreux. Et on se moque de Jérémy Ménez. Enfin bref. Il a même pas la jeunesse pour lui, Tim Vizet. Villas Boas, il est toujours là, Fifi? Il est plus là. Donc Villas-Boas, on a appris qu'il y avait des fissures dans le vestiaire. Je vous rappelle que Villas-Boas c'est portugais, donc c'est pas forcément un problème. C'est lui, tu veux dire, quand même pas l'emmerder. Un peu d'enduit, un peu de plastique, c'est pas la fissure dans le vestiaire qui va lui faire peur. Et donc mon petit Fredo, donc le classico, le classico. Donc Mourinho a déclaré, plus ou moins il a déclaré que c'était un peu la faute à pas de chance. Et là, j'ai compris! Parce que moi, j'avais pas compris depuis le début. Moi, je croyais qu'il s'appelait Ronaldo, que c'était son vrai nom, Ronaldo. En fait, c'est un surnom. Son vrai nom, c'est Pas de Chance, le mec. Donc, en fait, c'est un diminutif. Ça doit être un espèce de diminutif de Pacheco des Fluminense ou de Farence, dans le genre. Tu as vu que c'est la fausse, c'est Pas de Chance. Les deux, comme on va l'appeler Pas de Chance, quoi. Quand il va avoir la balle, Pas de Chance sur le côté gauche, Pas de Chance qui frappe, Pas de Chance, quoi. Mais ce qui met, c'est que le Real Madrid, c'est un peu une super production à l'américaine. Tu vois, c'est Ocean's Eleven. Il y a que des stars. Le scénario est hyper bien ficelé. Tu sais pas qui est le traître. Tu penses que le mec qui va avoir un trou pendant le grand match, mais c'est Higuain ou Benzema. Et ben non, paf, c'est Ronaldo. Il plante le couteau dans le nos. Enfin, le couteau en portugais, on dit le Fernando. Dans le dos, et voilà quoi. Le Real c'est quand même bien foutu, hein. C'est bien foutu, enfin, c'est bien foutu à la 66e, en tout cas, le pauvre Real Madrid. Ah là là, non mais moi je crois que j'ai la solution. Je crois que Ronaldo, d'après ce qu'il dit, lui, il dit qu'en fait il a essayé, mais la balle elle voulait pas rentrer parce que la balle elle est jalouse parce qu'il est beau et riche, et je pense que c'est peut-être ça la vraie raison. Alors à Montpellier, monsieur Jourdain, hein, qui fait des vannes sans le savoir, quand même un monsieur assez extraordinaire, monsieur Jourdain, et il a été piégé par l'interview. À chaque fois il est piégé, à chaque fois qu'il dit un truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le mec il a dit va te jeter à la mer, il avait pas vu, il savait pas que c'était une interview, il croyait que c'était son pote, il était dans un dîner, il s'est fait piéger, quoi. Le problème c'est que c'est pas sympa, parce que va te jeter à la mer à Valenciennes, il est marrant, lui il est de Montpellier. Mais à Valenciennes, si tu vas te jeter à la mer, tu te retrouves dans le Pas-de-Calais. Je veux dire que t'as les bonbons comme des Pyrénéens, quoi. C'est pas la même blague. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pardonné ou t'as pas pardonné? J'ai pas pardonné. Surtout, non, mais de toute façon, les banderoles, c'est fini. De toute façon, maintenant, elles sont en acre. C'est de la dorure, c'est hyper beau, quoi. C'est, je te jure, ça. Tu vas voir, tu vas kiffer. C'est du satin, c'est magnifique. Allez, donc, du coup, Mamadou Sakho, lui, par rapport à ses attaques, il a été interrogé, lui, les chambres du Montpellierin. Il a dit, de toute façon, lui, sur la Coupe de Ménez, nous, il répondra pas aux attaques. Hein, de toute façon, moi, je lui fais confiance. Il a pas répondu aux attaques de Salzbourg et de Marseille. Donc, il répondra pas aux attaques des Montpellierins. Ça, c'est pas un problème. De toute façon, l'important, c'est pas ça. Parce que la meilleure défense, on le sait, les mecs. La meilleure défense, c'est l'attaque. Non, c'est Lille, putain. Tu suis un peu, Daniel. La meilleure défense, c'est Lille. Si vous êtes pas capable de faire votre boulot, je vais pas le faire à votre place. J'ai trouvé très sympa que le chèque, tu sais, il y a Guillaume Haro, il était tout content parce que le chèque, il est venu, il a dit le chèque, il m'a dit bonjour. Il est sympa. T'inquiète pas, il va te dire au revoir aussi, hein. Il va venir, il va le déplacer, hein. Il va dire au revoir, Guillaume, hein. Et il va être super sympa, tu vas voir. Ah ouais. Sacré Guillaume. Tu vois, il dit, ouais, il dit le Père Noël. Bah, le Père Noël, il va t'envoyer dans le championnat finlandais, tu vois, hein. Alors Antonetti qui a été un petit peu dur avec Mandžek, parce que vous avez dit, c'est vrai que Mandžek, ça peut arriver de passer au travers. Le problème, c'est que Mandžek, il voit un mur, il passe au travers, il voit une baie vitrée, il passe au travers, il voit un match, il passe au travers. C'est un bourrin, quoi. Donc les mecs, ils passent au... Il y a que les pare-brise, c'est pas lui, c'est Franck. Petit hommage à la Bundesliga au passage. Parlons maintenant de l'Olympique de Marseille. Non, t'es pas riche, mon vieux, t'as plus une thune. Alors Marseille, les pauvres Marseillais, je pense ça, parce qu'il va l'acheter au mercato, j'ai appris. Mais les finances du club, d'ici, c'est pas terrible, hein, on est d'accord. Donc d'ici février, en plus j'ai appris qu'ils devraient perdre leur triple A. Hein, a priori, ils en auront plus qu'un, parce que Ayou et Ayou, ils vont à la canne. Il restera plus qu'Amalfitano. Je pense que ça va être un petit peu léger pour gagner le titre. C'est moche. Hein. Non mais pour, non. Alors pour Daniel. N'empêche que pour Daniel, l'OM c'est encore une locomotive. Alors, je pense que ça ressemble plus quand même à une Michelin ou un TER. Ou alors le locomotive Moscou de 87, mais sinon franchement c'est une locomotive, c'est ça, vaut mieux qu'on aille à vélo. Hein. Alors OM Red Star, c'est chouette parce que OM Red Star, ça rappelle des bons souvenirs, c'était un beau match des années 90, OM Red Star, hein Daniel. On a kiffé OM Red Star Belgrade. L'étoile rouge. Ah, quel beau match! Quelle belle finale! On a tout ce qui fait ce Red Star là. Personnellement, c'est un bon souvenir. Hein. C'est un très bon souvenir. D'ailleurs, à propos de cette période, il y a Tapi. C'est des matchs là dont on parlait, non? C'est pas celui-là? Tapi, qui est magnifique, a déclaré que Aulas ne pouvait pas avoir acheté le match. Hein. Bien sûr, tout le monde dit que. Bon, c'est vrai que Zagreb a pris une valise, mais a priori, il n'y avait rien dedans. Et donc, le match, pour diverses raisons, il ne peut pas avoir acheté le match, tout ça. Et donc, tout le monde est monté au créneau. Mais oui, mais qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il a à nous dire ça? D'où il sort, Bernard Tapi? Alors, excusez-moi, autant Davido veut refaire ta déco, t'as le droit de mettre le feu à ton appart, mais quand Kasparov te parle d'échecs, tu l'écoutes, merde! Je sais pas! C'est comme si Robuchon il t'explique comment faire la purée, tu tords l'oreille au moins, merde! Il faut être confiance aux artistes! Bernard, il mérite le respect, il a un background, il peut donner son avis quand même! Ah non, mais vraiment, mais. Je comprends pas, moi! Je voudrais parler de l'interview. L'interview de Javier Pastore, qui lui aussi s'est fait piéger. Soyez un peu raisonnable. Javier Pastore qui s'est fait piéger. Et c'est dommage parce que les mecs, à chaque fois, ils disent que c'est pas eux qui ont fait l'interview. Tu sais, quand ils répondent, je dis c'est con parce que quand tu regardes les interviews, c'est vachement bien sur papier par rapport aux interviews que t'as en live. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste que c'est pas la même chose qu'il dit, le mec. C'est juste, c'est traduit. Faut pas déconner, c'est comme pour quand tu parles en italien, t'as un traducteur italien, mais t'as un traducteur pour les interviews. Par exemple, là, j'ai une interview de Hatem Ben Arfa que j'ai récupérée. Alors, voilà, je te la fais, hein, avec le traducteur. Hatem, vous vivez comment votre situation à Newcastle? Ah, franchement, tu sais quoi? Franchement, la vie de ma mère, je suis goûté de pas, ouais, je casse les couilles, le coach. Enfin, il me fait chier de me faire tricard, je vais le défonce. En toute franchise, il est indéniable que je vous l'assure, sur tout ce que j'ai de plus cher, la situation m'est indélicate. Cela dit, je comprends les choix du coach et je les respecte malgré une profonde amertume. Hey, je m'en bats la race, prochain match, si je suis pas sur le terrain, je les défonce, mais son staff de pilé. Si d'aventure je n'étais pas titulaire au prochain match, je tirerais les conclusions qui s'imposent et en parlerai de vive voix avec les dirigeants pour que les deux parties trouvent un accord. Fils de tépu ! Dans le respect du club. Hatem, vous aimez autre chose que le foot? Hatem, vous aimez autre chose que le foot dans la vie? Eh ouais, et même, tu sais quoi, la dernière fois, je tombe sur un dessin de Picasso, franchement, c'est un ouf! Comment c'est trop joli les couleurs! Tous les mecs, il a des bêtes de pinceaux, il déchire sa race! La fameuse sur le dessin, on dirait trop la mère à Ribéry! Comment ne pas être ébloui par le talent et la grâce de ses œuvres dont la maestria de l'artiste magnifie les nuances? J'ai cru d'ailleurs discerner sur l'une des toiles les faux airs de la mère d'un icône bavarois. Merci à Thème. C'est encore ouvert le KFC? Je vous en prie, merci à vous. Voilà, donc voilà, ça aide à mieux comprendre pourquoi le pourquoi du comment des interviews. Une petite chanson pour terminer sur un joueur de Saint-Etienne qui a un peu brillé. Et voilà, je voulais lui rendre hommage parce qu'il est mérite. Je vais essayer, c'est chaud. Hein. Allez, c'est parti, c'est de l'italien. T'as besoin de concentration un peu? Ouais. Nicolita, un roumain plutôt cool, pas un voleur de poule, ramène Nicolita. C'est un romain enragé, mais même pas arrangé, oh oui, Nicolita. À droite, il fait la loi, corte fait mon gars, Nicolita. Arrivé chez les Verts, ce rhum vaut trois rivières, Nicolita. Il oublie les strass et puis paillettes, Nicolita. Grâce à lui, Sainté joue à guichard fermé, oui, Nicolita. Oh, Nicolita. On le surnomme ici Romanichel Platini, oh oui, Nicolita. La technique de l'ange vert, la tête de géant vert, oh oui, Nicolita. C'est un peu Johnny Rep, mais pas vraiment Johnny Depp, oh oui, Nicolita. Stade, on fait la ola, dès qu'il marque un but banal, Nicolita. Pour l'instant, ça fait que toi, mais c'est déjà ça. Il est habile comme un chat, et il a rendu chèvre Patrice Evra. J'ouvrirai les frontières pour...